chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de hockey. Samuel Girard va très, très bien au camp des Prédateurs de Nashville. Hier, troisième étoile par excellence. Donc, troisième étoile du match, c'est-à-dire. Et question de savoir un peu comment ça va. On lui pense. Salut, Samuel. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, ça va bien, par contre. On entend parler des choses. On voit des sur les médias sociaux. Ça a l'air impressionnant au camp. Puis hier, troisième étoile de la rencontre. Oui, exactement. Ça va très bien, mon gars, présentement. Puis, c'est le fait que je côtoie des bons défenseurs comme Roman Josi, Ryan Ellis, Ecom aussi, Souban, ça m'aide beaucoup dans mon développement. Puis, c'est sûr que ça va très bien jusqu'à présent, mon camp. Il faut que je continue sur cette voie-là. Là. OK. Sam, si on parlait maintenant de... Qu'est-ce qu'on t'a dit en arrivant du camp? J'imagine que tu te sens beaucoup plus confiant que l'an dernier. Là. L'année d'expérience que tu as pris, pareil. Là. Oui, exactement. C'est sûr que oui. C'est comme ça partout. Là. Quand tu as un an de camp ou de camp dans le fond que t'as déjà fait, tu sais à quoi t'attendre. Fait que moi, tu sais, je t'arrive là au camp cette année, puis je savais à quoi m'attendre, c'est sûr que ma confiance est un petit peu plus élevée, puis comme je dis, moi, je joue ma game, puis il arrivera ce qui arrivera. Je donne mon 110% pour pouvoir faire l'équipe ici, puis si eux, ils pensent que c'est mieux pour moi, je vais retourner dans le junior, je vais aller jouer là, puis ça va être pour la prochaine année. Là. Le fait que Ryan Ellis... C'est sûr que mon but, présentement, c'est de faire l'équipe. Ouais, le fait que Ryan Ellis est blessé, ça ouvre des portes pour toi, là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on s'entend que dans le jeu, ils ont des très bons défenseurs. Il y a Emeline qui est arrivé aussi. Fait que, puis là, je te dirais qu'ils ont au moins leur 6 défenseurs, là. Mais ils savent pas c'est quoi le reste. Fait que, tu sais, moi, je sais pas à quoi m'attendre. Puis, je sais pas pendant tout à ce qui va m'arriver avec moi. Fait que, je vais sûrement probablement savoir là, dans les prochains jours ou sinon à la fin du mois, là. Je sais pas vraiment, je peux pas donner vraiment l'information. Okay. Pour toi. Le fait que le personnel entraîneur des Preds dont tu parlais après la game d'hier, troisième étoile, c'est quelque chose, là? Non, tu sais, c'est vrai que le staff d'entraîneur, il nous parle pas vraiment pendant le temps, là. Comme tu as dit, nous, on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est que c'est vraiment encore quelque chose qu'on s'attend pas vraiment, là. OK. Dis-moi, est-ce que tu vas jouer dans les prochains matchs? Est-ce qu'on t'a dit quand est-ce que tu sais pas encore non plus, j'imagine? Tu vas jouer un match en fin de semaine, sûrement? Non. Ouais. Non, c'est ça. T'sais, nous, on sait pas grand-chose. Là, quand on a une game, okay. Mettons, on joue le 22. Là, dans le prochain game, c'est le 22, on va savoir le 21. Là, si on joue le 22, c'est que, comme tu dis, on sait tout le temps juste une journée à l'avance. Okay. On ne peut pas vraiment t'informer à propos de ça. Ça ressemble à quoi une journée de Samuel Girard au camp des Prédateurs? Ça dépend des journées, des fois que... Mais si la plupart des journées, c'est vraiment... On a une pratique le matin, puis après ça, on a un petit entraînement hors glace, puis après ça, notre journée est pas mal finie. Fait que dans le fond, notre après-midi pour nous, puis faire ce qu'on veut. J'imagine que ton anglais s'améliore encore. Oui, ton anglais s'améliore beaucoup aussi, là, c'est ça? Oui, mais c'est exactement. J'ai pas le choix vraiment ici en anglais. Tu sais qu'on est une couple de Français ici, là. Oui. Les pratiques qui dans la chambre, tout ça, c'est tout en anglais. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ouais, sûr. Okay. Hey Samuel, je veux avoir des nouvelles de Frédéric Allard, qui appartient aux Prédateurs aussi, qui est un ancien des Saguenayens. Est-ce qu'il va bien au camp d'entraînement dans le cas de Frédéric? Oui, Frédéric va très bien aussi. Son camp, il a joué hier, je pense qu'il a fait une bonne game aussi. Là. OK. Mais oui, Frédéric, on sait pas que c'est un bon défenseur. Oui, il a très bien fait ça, je pense, depuis son début de camp, je pense qu'il a très bien ça. OK. Samuel, gros félicitations. On va te suivre de très, très proche, évidemment, puis on se rappelle au camp d'entraînement ou à la fin du camp d'entraînement ou encore si tu fais l'équipe ou peu importe ce qui arrive avec toi, on se rappelle bientôt. Enfin, merci beaucoup. Des Prédateurs de Nashville, Samuel Girard.